Livre 3, chapitre 1. Quelle sorte de navire il y a dans l'Inde? Première note pour l'extrait suivant. Les plus grands navires dont les Indiens se servent sur mer sont faits ordinairement de bois de sapin. La note. Ou de quelques bois analogues par sa légèreté, car le sapin n'est pas fort répandu dans les régions chaudes de l'Asie. Deuxième note pour l'extrait suivant. Ils goudronnent leur vaisseau avec de l'huile d'un certain arbre, mêlée avec de la chaux. La note. Cima, nommé galgate de surate, composé de chaux vive réduite en poussière et d'huile dans laquelle on a fait fondre du brai sec. P. Livre 3, chapitre 2. De l'île de Zipangu. Première note pour le stress suivant. L'île de Zipangu. La note. Le Japon, en chinois Jipanquet, royaume du soleil levant. P. Deuxième note pour l'extrait suivant. Il y a aussi d'autres pierres précieuses, lesquelles, jointes à la grande quantité d'or. La note. Le Japon est en effet très riche en mines d'or. Livre 3. Chapitre 3. De quelle manière le grand khan envoie une armée pour s'emparer de l'île de Zipangu? La note. Marco Polo parle ici d'après ce qu'il a pu entendre dire par des soldats ayant fait partie de l'expédition. Les Orientaux, comme le remarque très justement M. Potier, ne sont pas seuls à croire au pouvoir des amulettes. On pourra citer chez nous, dit-il, des militaires qui ont cru être préservés des boulets et des balles par certains objets bénis qu'ils portaient sur eux. Livre 3, chapitre 4. Les vaisseaux des Tartares se brisent et périssent. Première note pour l'extrait suivant. Une petite île dont il n'était pas fort éloigné et qui est assez près de l'île de Zipangu. La note. Apparemment, l'île de Sado. Livre 3, chapitre 7. De l'idolâtrie et de la cruauté des habitants de l'île de Zipangu. Première note. Tout ce qui vient d'être dit se rapporte au culte bouddhique qui de longue date s'était répandu dans toute l'Asie orientale et dont chaque peuple personnifiait à sa façon les mythes symboliques. Deuxième note, pour l'extrait suivant. Les Zipanguiens ont une autre coutume. Quand ils attrapent quelque étranger, s'il peut se racheter de leurs mains par argent, ils le laissent aller. Mais s'il n'a point d'argent, ils le tuent et le font cuire. Après quoi, ils le mangent avec leurs amis et leurs parents. La note. D'anciens récits de voyageurs confirment cette assertion. P. Livre 3, chapitre 8. De la mer de Sim. Première note. Pour l'extrait suivant. La mer où sont ces îles, de Zipangu et autres, s'appelle la mer de Sim. La note. Sim, ou Chin, dont les Occidentaux ont fait le nom de Chine. Ce nom fut donné par les Japonais au grand empire continental à l'époque où le fameux Qi Huangti de la dynastie de Qin, 221-208 avant notre ère, étendit ses conquêtes sur une grande partie de l'Asie. P. Deuxième note, pour le stress suivant. Il y a 7400 îles. La note. Ces îles innombrables, dont Marco Polo ne parle d'ailleurs que par ouï-dire, sont évidemment celles dont les géographes modernes forment le vaste archipel de la Malaisie. Livre 3, chapitre 9. De la province de Siamba. Première note pour l'extrait suivant. On vient à la province de Siamba. La note. Province de la Cochinchine actuelle. Livre 3, chapitre 11. De la province de Sukat. Première note pour l'extrait suivant. Jusqu'aux îles nommées Sondur et Kondur. La note. Île des deux frères et de Condor. P. Livre 3, chapitre 13. De l'île qui est appelée la Petite Java. Première note pour l'extrait suivant. Cette île est si avancée du côté du Midi que l'étoile tramontane, étoile polaire, n'y peut plus être vue. La note. L'île de Sumatra est en effet placée sur la ligne équatoriale, point extrême de visibilité de l'étoile polaire, que les anciens marins appelaient la tramontane. On sait que l'expression proverbiale « perdre la tramontane » est un souvenir du temps où, la boussole n'étant pas inventée, les navigateurs ne pouvaient plus se diriger quand ils cessaient de voir l'étoile correspondant au pôle boréal. Livre 3, chapitre 15. Du royaume de Basman. Première note pour l'extrait suivant. On trouve là une grande quantité d'éléphants et de licornes. La note. Sous le nom de licorne ou unicorne, qu'on donne souvent à un animal fabuleux, Marco Polo désigne évidemment le rhinocéros. Livre 3, chapitre 16, du royaume de Samara. Première note pour l'extrait suivant. Il y a en ce pays-là beaucoup d'arbres qui n'ont que quatre branches, sorte de palmiers. La note. Chacun a entendu parler du vin de palmier, boisson très agréable et très capiteuse. Livre 3, chapitre 18, du royaume de Lambri. Première note pour l'extrait suivant. Où il croît des arbres de Brésil. La note. Le bois dit de Brésil était dès longtemps connu en Europe, où on l'apportait comme matière tinctoriale, sans que ceux qui l'employaient en connussent la provenance exacte. Notons que plus tard, le Brésil actuel dut son nom à cela que ceux qui le découvrirent y trouvèrent l'arbre qui fournit ce précieux bois. Livre 3, chapitre 23. Du royaume de Mahabar, qui est dans la Grande Inde. Première note pour l'extrait suivant. On trouve la province de Mahabar. La note. Malgré l'analogie du nom, il ne s'agit pas du Malabar, mais du Coromandel, qui est au nord-est du Cap Comorin, tandis que le Malabar est au nord-ouest sur la côte opposée, et il en sera parlé plus loin sous le nom de Médibar. Livre 3, chapitre 24. Du royaume de l'art et des diverses erreurs de ses habitants. Première note, pour l'extrait suivant. Plusieurs adorent un bœuf comme une divinité. La note. On sait que le bœuf et la vache sont considérés comme animaux sacrés par les hindous. Livre 3, chapitre 29. Du royaume de Moursouli, où l'on trouve les diamants. Première note pour l'extrait suivant. Et de cette manière, ils emportent les diamants qui se sont attachés à la viande. La note. Cette pêche miraculeuse est le sujet d'un des contes des Mille et Une Nuits. Note du correcteur. Livre 3, chapitre 31. Du royaume de Kualoum. Première note pour l'extrait suivant. On trouve à 500 000 le royaume de Kualoum, la note, Kwilu ou Kulem, sur la côte du Malabar. Livre 3, chapitre 32, de la province de Kumar. Première note, pour le stress suivant. Le pays de Kumar, la note, apparemment, la région que termine le cap Comorin. Livre 3, chapitre 37. Des deux îles où les hommes et les femmes vivent séparément. Première note pour l'extrait suivant. Il y a deux îles éloignées l'une de l'autre de 30 000. Dans l'une, les hommes demeurent. Elle est pour cela appelée île mâle, tandis que l'autre où habitent les femmes est appelée île femelle. La note. Les commentateurs ne se sont pas encore accordés sur la situation et l'identité de ces îles. Livre 3, chapitre 38, de l'île de Squara. Première note pour le stress suivant. On trouve une autre île nommée Squara, la note, Socotra, à l'entrée du golfe d'Ormuz. Deuxième note pour le stress suivant. Car alors ils peuvent leur donner un vent contraire et amener les vaisseaux dans l'île malgré eux. La note. Toujours les choses que Marco Polo a entendu dire. Livre 3, chapitre 39, de la grande île de Madagascar. Première note pour l'extrait suivant. Car on peut venir en 20 jours de la province de Mahabar à cette île de Madagascar avec le flux de la mer, mais on a de la peine à en sortir. Il faut quelquefois 3 mois pour surmonter les difficultés de ce flux, parce que la mer porte toujours vers le midi avec beaucoup d'impétuosité. La note. Ces remarques sur les courants de la mer africaine sont absolument confirmées par les observations scientifiques modernes. P. Livre 3, chapitre 40. D'un très grand oiseau nommé Rook. Première note. C'est l'oiseau fabuleux Rook ou Rock, dont il est souvent fait mention dans les légendes indiennes et dans lequel les naturalistes modernes pensent reconnaître les Piornis ou quelques autres représentants des espèces d'oiseaux gigantesques dont la race est aujourd'hui éteinte, mais dont l'existence est attestée par des restes d'ossements et notamment par les œufs énormes qu'on retrouve parfaitement conservés. Voir les contes des mille et une nuits, note du correcteur. Livre 3, chapitre 43, de la province d'Abazia. Première note pour l'extrait suivant. Maintenant, nous parlerons de l'Inde moyenne, qui est proprement nommée Abazia. La note. L'Abyssinie, ancienne Éthiopie. On pourra trouver singulier que le voyageur donne le nom d'Inde moyenne à une contrée africaine fort distante d'ailleurs des deux autres Indes. Mais peut-être ne faut-il pas entendre la désignation « moyenne » comme s'appliquant à un territoire intermédiaire. Il semble que Marco Polo ait voulu établir l'ordre par l'étendue des pays dont il parle, et la région abyssinienne viendrait, selon lui, au deuxième rang. À cette époque, d'ailleurs, la configuration des diverses parties du monde connues n'était pas encore bien nettement indiquée par les travaux des géographes, et nous avons vu dans le récit de Rubricus, chapitre 15, qu'il était alors admis que le cours du Tanaïs, ou Don, servait de limite entre l'Europe et l'Asie, comme celui du Nil séparait l'Asie de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, selon Marco Polo, l'Inde majeure se compose de la région comprise entre les bouches du Gange et celle de l'Indus, Hindoustan actuel, et l'Inde mineure, des pays placés entre les bouches du Gange et les frontières méridionales de la Chine proprement dite, Indochine d'aujourd'hui. Livre 3, chapitre 46, de la province d'Aden. Première note pour l'extrait suivant. Les marchands d'Alexandrie viennent acheter ces aromates et les chargent dans de petits bateaux qu'ils conduisent par une certaine rivière pendant 7 journées de chemin. La note. Il semble ici que la mer Rouge soit considérée comme une rivière. P. Deuxième note pour l'extrait suivant. Après quoi, ils en chargent des chameaux qui les portent à 30 journées de là jusqu'à un autre fleuve appelé d'Égypte, le Nil, où étant arrivés, ils les chargent de nouveau sur des vaisseaux qui les mènent à Alexandrie. Il n'y a point de plus court chemin que celui-là pour aller de ces pays orientaux à Alexandrie. La note. Ce passage indique bien que Marco Polo, par une erreur géographique très concevable, considère le territoire abyssinien comme se rattachant au continent asiatique et par conséquent aux deux autres Indes. Troisième note pour l'extrait suivant. On trouve la ville de Sierre. La note. Entre Aden et Oman. P. Livre 3, chapitre 49. Du pays des ténèbres. Première note pour l'extrait suivant. On appelle ce pays-là ténébreux parce que le soleil n'y paraît pas pendant une grande partie de l'année. La note. On sait que les régions boréales ont chaque année en hiver une nuit de plusieurs mois et en été un jour de même durée. Fin de Le devisement du monde de Marco Polo.